était à un roi de Tulé, à qui son âme en te fidèle. Les gars comme le souvenir d'elle, une coupe d'or ciselée. C'était un trésor plein de charme, où son amour se conservait. Qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes, voyant ses derniers jours venir. Il divisa son héritage, mais il accepta du partage. La coupe son cher souvenir. À la table royale, asseoir les barons dans sa tour, debout et rangé alentour, briller sa noblesse royale. Sa main lance la coupe d'or au flot amer.